pas remonter quand tu descends. Moi mes assos brûlés depuis l'adolescence. Il faut qu'on ramasse des balles, il va rester que des cendres. Faut qu'on s'adapte. On tue pour nos mères, on est des anges. Pour eux on est des diables. Tracker sous la caisse. J'connais le manège. Billet bleu, billet rouge. J'ai un phare dans la tête. On va remonter quand tu descends. Moi mes assos brûlés depuis l'adolescence. Il faut qu'on ramasse